21.2. Compréhension du quiz. Phase 1. Regardez les images et répétez les énoncés que vous entendez. 1. Il est 11h45 à l'horloge de l'observatoire. 2. Robert fait des mots croisés. C'est très utile comme exercice mental. 3. Robert est contre l'éducation qu'il a reçue. 4. Robert a faim et il pense que Mireille doit avoir faim aussi. 5. Mireille dit à Robert de ne pas se déranger. 6. Mireille file parce qu'elle va être en retard. 2. Écrivez la lettre de chaque énoncé que vous entendez sous l'image qui lui correspond le mieux. A. Robert fait des mots croisés. C'est très utile comme exercice mental. B. Mireille dit à Robert de ne pas se déranger. Robert est contre l'éducation qu'il a reçue. 2. Mireille file parce qu'elle va être en retard. 3. Robert a faim et il pense que Mireille doit avoir faim aussi. 4. Il est 11h45 à l'horloge de l'observatoire.